Je suis sur une autoroute comportant trois voies. Je suis dans la voie de gauche parce que j'ai dépassé des véhicules qui roulaient dans la voie centrale. Je pourrais me rabattre dans cette voie, mais cette voiture a signalé son intention de dépasser le poids lourd. Je reste dans cette voie pour la dépasser dans le même temps. Je n'ai aucune raison de klaxonner. Sa manœuvre ne me dérange aucunement si je reste à gauche. Réponse A et D.